Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous ouvrons donc l'émission avec Clémence Sirot qui va nous emmener sur les océans du globe, ces immenses volumes d'eau, et pour parler d'une toute petite chose, le plancton. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors plus précisément, tu veux nous parler de l'expédition Tara Océan. C'est ça, donc je voulais vous parler de l'expédition scientifique Tara, parce qu'elle est bientôt terminée, parce que Tara arrivera au bout de 2 ans et demi, donc le 31 mars prochain, c'est ce qui est prévu, à Lorient en Bretagne, c'est son port de départ. Et donc c'est l'occasion de parler un peu de la richesse des océans, puis de notre planète. Donc Tara Expédition, c'est quoi ? Tara, c'est un voilier qui a une histoire assez forte et qui parcourt les océans pour mieux les connaître. Mmh. Donc le but, c'est de mener des recherches scientifiques pour comprendre et se préparer au changement climatique actuel. Et donc c'est dans cette optique que les expéditions de Tara sont organisées. Donc là, c'est la 7e, mais il y a déjà eu des projets importants avant. Donc Tara Arctique, par exemple, qui a été beaucoup médiatisé. C'était en 2007-2008, lors de l'année polaire internationale. Ouais. Puis le bateau a dérivé pendant plus de 500 jours dans l'Arctique. Pendant 500 jours dans l'Arctique. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas ? Bah, c'est simplement qu'ils sont restés bloqués par les glaces. Ils ont hiverné. Ils ont pris des données, enfin ils ont fait des mesures, ils ont pris des échantillons au niveau de l'atmosphère, de la banquise, puis de l'océan aussi. Et le but, c'était de voir un peu les échanges qu'il y avait entre ces trois couches, puis de collecter des informations pour mieux comprendre le système. Mm-hmm. Et ces données donc, ont servi au programme européen Damoclès. Ce programme, c'est un programme qui étudie donc, les changements climatiques pour aider les décideurs politiques à prendre des décisions. Bon, on espère qu'ils vont prendre les bonnes décisions. On espère. Donc là, tu disais, c'est un programme bon, qui a commencé en 2006-2008, puis ça arrive. Il y a une expédition qui a commencé en septembre 2009, qui est partie de Bretagne en septembre, c'est ça, le 5. Et donc là, elle s'appelle Tara Océan. D'accord. Donc c'est quoi la différence avec les autres ? Alors, au niveau de l'objectif, c'est la même chose, de recueillir des données, de mieux comprendre les changements climatiques. Mais la différence, c'est que l'expédition, là, c'est à travers le monde entier. Ah, ils ont parcouru tous les océans, c'est pas concentré sur une zone. Ah ok, c'est ça. Tout à l'heure, ils étaient concentrés dans l'Arctique, mais là, ils naviguent à travers le globe. Voilà, c'est ça. Ils naviguent à travers tous les océans pour comprendre, en fait, pour étudier le plancton marin. Et donc, c'est quoi le plancton ? Le plancton, c'est des tout petits éléments vivants, donc qui comprennent les virus marins, des bactéries, puis des organismes un peu plus gros comme certaines méduses. Mm-hmm. Et en connaissant mieux cet écosystème, donc, et les nombreuses espèces qui le composent, on peut décrypter les interactions entre elles et le milieu, puis apprendre plus de choses sur les changements climatiques. Mais pourquoi sur les changements climatiques ? C'est quoi le lien ? Les scientifiques, en fait, ont découvert récemment que le plancton est très important pour le climat. Tout d'abord parce que c'est un petit organisme et que donc les variations climatiques peuvent jouer très rapidement sur sa taille et sur sa nature. Mm-hmm. Donc en se rendant compte de qu'est-ce qui se passe au niveau du plancton, on peut essayer d'anticiper à plus grande échelle. C'est comme une sentinelle un petit peu. Voilà, c'est ça. Puis aussi, le plancton en fait piège les molécules de CO2. Mmh. Et donc, ça peut modifier tout le cycle du carbone s'il y a des évolutions rapides au niveau du plancton. Ouais. Finalement, ça sert aussi au niveau de la connaissance du passé. Mmh. Parce que le plancton donc, s'accumule sur le fond, donc les sédiments s'accumulent au fond de l'eau, sur une centaine de mètres de la surface donc, océanique, du fond océanique. Et donc, on peut remonter... En analysant les différentes couches, on peut remonter dans le temps et comprendre un peu ce qui s'est passé, l'histoire de la planète. Ouais. Donc c'est assez versatile. Par exemple, en étudiant le plancton, on étudie aussi bien le passé, quand on regarde dans les sédiments, que son pouvoir à capter le CO2 par rapport à l'évolution du climat actuel. On peut anticiper le futur, c'est ça, entre exactement. Guillemets. Mm-hmm. Et comment ils font pour étudier ce plancton ? Alors, ils récoltent des échantillons. En tout, ils ont récolté 19 000 tout autour du monde en fonction de différentes zones océaniques. Ça, il y a des océanographes qu'on cartographié autour de la planète, des zones. Puis, ils ont installé des stations à différents endroits. Donc, il y en a eu 113 en tout. Et donc, ils récoltent les échantillons et les envoient après dans des laboratoires à travers le monde. Donc, par exemple, il y en a à Nice, Buenos Aires, Djibouti, en tout cas, qui récupèrent ces échantillons, puis après, qui les analysent. Les scientifiques peuvent comme ça modéliser les répartitions du plancton, puis les analyser. Mm-hmm. Puis peut-être que ça répond peut-être pas de la même façon à Djibouti ou à Buenos Aires aussi. Ils peuvent peut-être voir des différences. C'est ça, exactement. Mm. Donc, je vous ai apporté une carte. Je vais la décrire pour montrer un peu le trajet de Tara. Donc, Tara est partie en 2009 de Bretagne. Ouais. A longé donc la France, l'Espagne pour rentrer dans la Méditerranée. Finalement, elle a traversé le long de l'Égypte, donc le canal de Suez, pour aboutir dans l'océan Indien. Après, elle a descendu tout en bas de l'Afrique, a traversé l'océan Atlantique, arrivée en Amérique du Sud, donc toujours quelques escales tout le long, est descendue jusqu'à l'Antarctique pour remonter de l'autre côté de l'Amérique du Sud, faire une énorme boucle dans le Pacifique, puis finalement passer dans le canal de Panama. Ce n'est pas ce qui était prévu au début, mais il y a eu des petits changements de programme. Puis de retour dans l'Atlantique et la traversée actuelle est en train de se terminer pour revenir en Bretagne. Voilà. Ah, c'est un long périple. Par ailleurs, bon, là, il navigue à travers les océans du globe, mais tout en se concentrant quand même sur le plancton, sur tous ces océans, finalement. Oui, c'est ça. En fait, il y a une équipe un peu multidisciplinaire à bord. Donc, ils ont le même objectif, mais chacun a son rôle. Il y a un océanographe, il y a un biologiste, il y a un ingénieur imagerie. Puis, il y a aussi un scientifique qui est spécialiste dans les bactéries et les virus. Donc, ça s'organise autour de ces 14 personnes-là. Les matelots, l'équipage restent environ 3 mois. Puis les scientifiques, eux, restent un mois en général avant de tourner. Puis parfois, il y a aussi un journaliste ou un artiste qui est là pour témoigner, faire des photos. Voilà, témoigner autrement de l'expérience. Ouais. Et donc, tous ensemble, c'est ça, c'est la vie un petit peu à bord. Voilà, la vie à bord. Donc, tous ensemble étudient le plancton. Oui, ils se concentrent sur le plancton. Et l'objectif final, c'est de créer une banque de données, donc de tous ces petits micro-organismes marins, et de les conserver, les classifier. Puis, ils voudraient appeler ça la biobanque. Et ça serait accessible à tous, libre de droit. Puis ça permettrait aux chercheurs d'avoir accès à de nombreuses données partout dans le monde. Ok, donc ce serait utilisable par d'autres personnes que juste les scientifiques sont à bord. Voilà, c'est ça. C'est vraiment dans un objectif plus global. Ils ont aussi étudié la situation des coraux face au changement climatique. Donc les coraux, les récifs coralliens sont vraiment en danger. Un tiers sont attestés en danger. Et donc, ils sont pas étudiés énormément. Donc là, ça a permis, en se déplaçant comme ça autour de la planète, de les étudier. Donc en gros, ils ont fait 4 missions d'études sur les coraux. Ils ont étudié 102 sites coralliens, 1500 échantillons de corail qui ont été envoyés dans les laboratoires, puis 18 000 images de coraux réalisées. Donc c'est quand même une étude de grosse ampleur. Et comment ça permet d'en apprendre davantage sur les océans ? D'en apprendre davantage comme ça sur les océans à travers toutes ces recherches, c'est pas vraiment parce qu'il y a un réel enjeu scientifique derrière. Les océans sont encore très peu connus. Il y a seulement 5% des océans qui ont été explorés. Puis il faut aussi se rendre compte qu'ils produisent la moitié de l'oxygène sur Terre. Donc au niveau global, ça en apprend beaucoup. Puis c'est aussi un vaste réservoir de potentiel génétique. Par exemple, il y a 10 millions plus de virus dans les océans qu'il y a d'étoiles dans l'univers. C'est marrant parce que quand on pense virus, on ne pense pas nécessairement qu'il y en a dans les océans. C'est composé majoritairement de ça. Puis la grande partie des virus reste inconnue. Dans le premier bilan de Tara, on parlait de 90%. Puis les scientifiques au congrès, donc sur la conférence sur la biodiversité marine au congrès de la HES à Vancouver en février, a constaté aussi le même chiffre par rapport avec d'autres études différentes. Ils sont revenus Tara à 85%, mais ça reste. Mais c'est énorme quand même. C'est énorme. C'est un potentiel incroyable. Incroyable. Puis justement au niveau du potentiel. Toute cette diversité génétique, là, elle peut être utilisée dans les cosmétiques. Elle l'est déjà, d'ailleurs. Dans les cosmétiques, dans les biocarburants. Il y a des micro-organismes qui ont des capacités de dépolluer. Dans le domaine médical aussi, par exemple, le Zovirax pour le traitement de l'herpès ou des médicaments anti-cancer ou contre le sida sont extraits de gènes, en tout cas extraits des océans. Puis, par exemple, le traitement anti-cancer, c'est un marché de 1 milliard par an. Donc, c'est vraiment énorme, toutes les applications. Oui, puis je crois effectivement qu'on veut utiliser des algues pour produire des carburants pour les avions. C'est ça. On l'utilise même dans l'industrie alimentaire. Les laits sans lactose, la plupart sont faits avec une enzyme d'une bactérie trouvée, une bactérie polaire. Donc c'est vraiment des applications assez surprenantes. On découvre des bactéries polaires, on dit « Oh, il y a une enzyme là qui va nous permettre de faire du lait sans lactose ». C'est ça. C'est beaucoup d'enjeux. Oui, beaucoup d'enjeux scientifiques, économiques, politiques. Puis il y a aussi donc au niveau politique, c'est par rapport à la législation surtout, parce qu'il y a 10 pays qui détiennent 90% des ressources des océans. Donc c'est un peu, ça ferait toute une autre chronique. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une idée de partage. En tout cas, l'enjeu est pris au sérieux. Puis Tara Exposition fait partie du programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc il y a un fort soutien quand même international. Quand ils ont fait escale à New York en février dernier, il y a Ban Ki-moon, donc le secrétaire général de l'ONU, qui est venu passer quelques heures sur le navire, qui a navigué avec eux, qui a pris des photos, donc pour montrer le soutien un peu. Ouais, c'est ça. Il n'aurait pas perdu son temps si c'était juste pour aller s'en aller comme ça. Mais quand même. Mais je pense que c'est quelqu'un très occupé que s'il a pris le temps d'aller sur Tara, c'est qu'il avait montré son soutien. Ouais, que l'ONU était intéressée par ce programme-là. Et qu'est-ce qu'il en est de la diffusion auprès des populations? Parce que finalement, on n'a pas été au courant de tous ces programmes-là. Non, c'est vrai qu'au niveau au Québec, c'est peut-être pas venu jusqu'ici. Pourtant, c'est censé être un programme international. Ouais. Mais il y a eu des... ils ont fait une initiative d'un système éducatif. Donc là, c'est terminé. Mais je pense qu'ils vont reproduire la même chose pour les autres expéditions. C'est de mettre en place des liens avec des classes, avec des classes primaires. Donc les professeurs pouvaient, entre guillemets, s'abonner à Tara. Puis ils recevaient des vidéos, des quiz. Ah oui. Il y avait des petits concours entre les classes. Puis les classes pouvaient parler en direct avec le bateau par les escales. Donc c'est super, ils pouvaient poser des questions. Ah, c'était vivant. C'est ça. Puis ils suivaient donc le bateau au fur et à mesure. Et... En tout cas, c'est une bonne façon de... partager la science avec les scientifiques qui étaient à bord. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui va devenir ce voilier? Parce que là, il va rentrer en Bretagne. Qu'est-ce qui va devenir? Voilà, il y a une interview d'Étienne Bourgeois, qui est le co-directeur de Tara Expédition. Et il expliquait que dans les 3 années à venir, donc, il fallait se remettre un peu du voyage, faire un bilan et tout. Mais qu'il n'oubliait pas que c'était un voilier polaire. Donc peut-être qu'ils vont repartir vers l'Arctique ou l'Antarctique. On ne sait pas, mais il mettait un petit indice comme ça. Ouais, c'est quelque chose à suivre. Et est-ce qu'on a déjà des résultats? Parce que bon, là, donc, les échantillons ont été envoyés à travers le monde, les laboratoires ont dû travailler dessus. Est-ce qu'il y en a des résultats? Ça va prendre 10 ans en tout, là. C'est vraiment très long à tout analyser et tout, mais on a quand même certains déjà petites informations. Par exemple, ils ont prouvé donc en janvier 2011 qu'il y avait du plastique dans les eaux antarctiques. Donc c'est quelque chose où certains scientifiques se doutaient, mais ça n'avait pas été prouvé vraiment. Et là, ils ont réussi à le prouver. C'est-à-dire des molécules de plastique ou des morceaux de bouteille? Des morceaux, mais aussi vraiment un peu réduits à des miettes, mais qu'il y en avait partout. Ah, partout. Force, en fait, c'était dilué, mais il y avait du plastique. Ok. C'est pas comme l'espèce de grosse île flottante de plastique. Non, vraiment au niveau. C'est vraiment omniprésent dans l'eau. C'est ça. Ils ont aussi découvert de nouveaux virus, puis de nouvelles espèces, certaines très antiques. Et voilà, donc il y a eu plein de choses de découvertes, puis c'est pas fini à mon avis. Ouais, c'est ça. Bah, peut-être que tu auras l'occasion de nous en reparler. J'espère. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un bel effort scientifique multidisciplinaire puis international. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. C'est sûr que l'étude de ces micro-organismes marins devrait nous apporter plein de réponses, car c'est quand même des marqueurs de l'état de l'océan actuel, de l'évolution du climat en cours. Donc, merci pour ce voyage au gré des flots, à la découverte du plancton, de tout ce qu'il représente et qu'on oublie, même l'air, l'oxygène que nous respirons, finalement. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, on va faire une pause musicale sur CKRL 89.1 et on vous revient pour un autre voyage dans l'Arctique.